La douceur de ses paroles assourdies, de ses silences sonores, le cercle de ses huttes pelotonnées dans un repli du fleuve, l'averse de 5 heures qui glisse en secret sur les toits de palme, la caisse claire d'une tôle, ce sable proprement ratissé, comme un jardin de pierre et ne crissant qu'à peine, la beauté de ce lieu comme à l'abri du temps, pour 2 tankers d'essence et 3 paquets de pâtes, ce n'est pas cher payé. Le jeune Aïwen attrape un crapaud beaucoup trop gros pour la casserole. Le parfum des feux rappelle à la vie nomade, fugue fluviale. Sur le terrain de foot transformé en piscine, un concours de coassement. On entend d'ici, étrangement, nulle dissonance. La place centrale est une petite clairière qu'occupent une dizaine de vieillards assis dans des hamacs de coton blanc à l'abri d'un toit de palme. Tous sont vêtus de shorts manufacturés, à l'exception du plus vieux d'entre eux qui arbore encore le traditionnel calimbé rouge. Mi-narquois, mi-courtois, on présente aux invités le bol contenant l'amère boisson de manioc fermenté, le cachiri. En guise de remerciement, je désigne du doigt les images du Birds of Venezuela. Le succès est immédiat. Les hamacs s'agitent, on lance un nom pour chaque oiseau reconnu que elle transcrit pour moi au crayon dans les marges du livre. Des disputes éclatent, on rit, on se lève pour danser ou mimer des scènes de chasse, on bande des arcs imaginaires en visant la canopée, renversée en arrière en des poses théâtrales. Une grande pirogue aborde, qui revient de Maripasoula à 4 heures en aval. Ce sont les gens d'un village de l'Amont qu'un Européen a fondé en devenant indien, animé par l'espoir d'aider son peuple d'adoption à se protéger des méfaits du consumérisme et de l'alcool. Tous, hommes, femmes et enfants, sont sous. Quelques adolescents déguisés, casquettes à l'envers et pantalons trop larges, descendent en vociférant. L'œil mauvais, un poste de radio calé sur une épaule, je reconnais la Marseillaise dans la version reggae de Serge Gainsbourg, ils passent en titubant devant le carbé et vont vomir avant de repartir. Les anciens n'ont même pas tourné la tête. Nuit de pleine lune. On se lave dans les eaux noires. Le fleuve ici apporte l'essentiel, emporte le superflu. Réserve d'eau potable et de nourriture, il fait office de machine à laver le linge et la vaisselle, de décharge, de salle de bain et de sanitaire. Déféqué dans l'eau en pleine nuit, accroché d'une main au rebord d'une pirogue et de l'autre à une racine glissante, est une acrobatie que je recommande à quiconque souffre de neurasthénie citadine. On rejoint le cercle où le père de Elle s'apprête à faire le chaman. L'atmosphère est détendue, délicieusement étrange. Le chaman se tient enfermé dans une hutte et psalmodie. Il a commencé son voyage. Quelqu'un lui glisse un bâton enfumé et le public l'encourage par des cris nasillards semblables à ceux des crapauds. Toute la forêt alentour, qu'éclairent les premiers rayons blancs, résonne de leur appel, des whoop, whoop, amples et graves, auxquels répondent les whoop, whoop du chaman et de l'assistance. Elle nous explique que crier ainsi, c'est la tradition. Devant Mamou, elle ajoute sur un ton péremptoire que ses cris aident le chaman. On s'exécute sans broncher. Whoop, whoop. Après tout, on aurait sans doute aussi du mal à expliquer en quelques mots à un Wayana la signification de l'Eucharistie. Rien de solennel. Le sacré, s'il est là, rôde avec légèreté autour de la clairière, à l'orée de cette cérémonie qui évoque pour l'instant le moment qui précède le lever de rideau d'un spectacle de cabaret. On bavarde. La pleine lune, alternativement, se voile et se dévoile. Toute la place est maintenant baignée par cette lumière lunaire. Le chant du chaman s'élève, mi-parlé, mi-chanté, qui semble peiner à prendre son envol. Soudain, je reçois un vigoureux coup de coude dans les côtes. Elle me glisse à l'oreille. « Il y a une jeune fille qui est morte, mais on ne le sait pas encore. Le village sera triste. » Prophétie ? Mauvaise blague ? Je reste perplexe. La cérémonie se poursuit sans rythme ni conviction de la part des humains, tandis que les crapauds, eux, s'en donnent à cœur joie. Ils ont trouvé la note et la tiennent avec hauteur. Cette suprématie de la nature sur l'homme est une des leçons que je n'aurais cessé d'entendre rabâcher ces 7 années durant. Un coup de feu qui éclate dans la nuit, et même dans la nuit bruyante de la forêt pluvieuse, glace toujours le sang. Là, c'est toute une salve qui vient secouer notre torpeur. Des hommes commencent à courir de part et d'autre du carbet et remontent la colline sans qu'aucun des participants de la cérémonie ne bouge. « Ça y est, on l'a retrouvé !» dit elle, qui se lève, m'attrape par le bras et ajoute avec autorité « On va voir !»« Voir quoi ?» Sans un mot, on laisse les anciens et on grimpe au pas de course. Les faisceaux des lampes torches éclairent par intermittence de hauts murs de bambou et de lianes. Il y a du bruit là-haut, comme une clameur. À mesure que nous montons, cela s'amplifie, couvre les autres sons. Tout autour d'une sorte de grande hutte abandonnée, flotte une odeur d'alcool et de vomi. Beaucoup de gens ont bu aujourd'hui. Nous sommes sur la colline. C'est effrayant. Au centre d'un vaste terrain défriché, une cinquantaine d'hommes et de femmes se sont massés autour du carbet où était tendu, dans un hamac blanc, le corps de la jeune fille. Chacun crie et pleure en se frappant les mains, les bras, les cuisses, alternativement. Une vieille femme se roule par terre en hurlant. Ailleurs, dans la foule, deux hommes en viennent aux mains. L'un est armé d'un fusil, l'autre veut le lui prendre. La foule s'écarte, certains se jettent à terre. Le canon du fusil oscille comme dans un film burlesque. Les adversaires sont séparés et les lamentations reprennent. Insensiblement, la clameur devient chant, prière, violente litanie déclamée à la face de la morte et du ciel. À la lueur des lampes apparaissent et disparaissent des visages grimaçants. Un jeune homme s'est effondré au pied du hamac. La vieille femme, qui se roulait par terre, se relève, crie après lui, puis se retourne vers le ciel en s'empoignant les cheveux et recommence à se frapper les cuisses tout en se balançant d'un pied sur l'autre dans une sorte de transe. Sans doute, il faudrait trembler, se frapper, être affolé. Je reste simplement hébété, mal à l'aise au sein de ce cauchemar qui n'est pas le mien. On m'a oublié et faute d'avoir pu repérer les lieux, je suis incapable de retrouver le chemin du fleuve. La pluie se met à tomber, balayant l'esplanade et noyant les clameurs. Je suis poussé jusque sous le carbet où la foule se presse, silencieuse à présent. Des sanglots, des yeux rouges, des poings serrés. Un coup de torche éclaire alors le visage de la morte. Ce beau visage lisse et rond, ce beau visage de dormeuse épanouie, je le regarde sans penser, intensément, comme on regarde la lune. Sa beauté, son calme me sidèrent, je ne peux plus bouger. Des hurlements me tirent de ma contemplation. C'est un enfant qui crie, un garçon de 4 ans qu'on traîne, terrorisé, devant le cadavre de sa mère. La scène se perd dans la nuit, rideau, fondu au noir, on ne peut en dire plus. Les clameurs se sont tues. Au carbet commun, la cérémonie était terminée. Longtemps encore, j'ai écouté la pluie tomber et les hommes parler dans leur langue, belle langue pleine de sons inconnus et doux comme le clapotis de l'eau. Puis j'ai sombré. Thank you.